Salut à toutes et tous, la tribu. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 37e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Je voulais vous remercier pour tous vos messages d'encouragement et les dédicaces que vous me laissez chaque semaine. Ça me touche beaucoup et continuer, ça fait super plaisir. On commencera cette émission avec Vergeltung de Wir sind eins. C'est sur l'album Nichts ist wie's war, sorti en 2015, en pantant Golden Zeiten, Ich komme schreien et God Bless America. Je diffuserai ensuite Le Malheur des Miens de La Gâchette, c'est sur l'album Dans ta face, sorti en 2015. On retrouve 1949, Pression et Dans ta face. On s'écoutera ensuite Rastafari Is de Peter Tosh, c'est sur l'excellent Wanted Dread Relive, sorti en 1981. On peut entendre aussi Coming Out, Cold Blood et Wanted Dread Relive, notamment. J'ai envie de faire une dédicace à tous mes amis animateurs radio, Philippe de British Co, Philog à Toulouse, Patrick à Charleville-Mézières, Diane à Montréal, Brian à Trois-Rivières, Sylvain du côté de Nantes, Olivier à Paris, Vincent à Compiègne et Bernard à Saint-Malo. Merci à tous pour tous les sons que vous m'envoyez et continuons à travailler ensemble aussi longtemps que l'on pourra. Aussi, en vous nom, je diffuserai This is Radio Clash, des Clash. C'est un 45 tours sorti en 1981. Il a été joué en public pour la première fois le 5 juin 1981 à la télé chez Tom Snyder, le pionnier des émissions de variété en prime time. On finira ce bloc en live avec AC/DC et The Jack. C'est sur le double album Live de 1991. On retrouve aussi Thunderstruck, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, TNT et Highway to Hell entre autres. Wir werden sie sehen, erbarmen und mitleidig sagt euch das hier. Losgesagt von deinesgleichen, es ist längst an der Zeit, deine Schuld zu begleichen. Ich glaub, dass du nicht genau weißt, mit wem du's dir verscheißt. Also besser think twice, denn ich sage dir eins: bekanntlich sieht man sich gern zweimal im Leben. Und wenn dem so ist, dann werd ich dir dein Sehen. Sei auf der Hut, denn du siehst richtig komm. Durch blutrote Augen hat das Spiel nun begonnen. Sind wir dann allein, wünschst du dir nie geboren. Denn wenn ich was habe, dann dir Vergeltung geschworen. Muss auf den Sturm dazu hören. So war es und wird es auch sein. Ich mach dir begreiflich, dass Schmerz seinen Preis hat. Bin ich mit dir fertig, dann tut es dir leid. Ich glaub, dass du nicht genau weißt, mit wem du's dir verscheißt. Also besser think twice, denn ich sage dir eins: bekanntlich sieht man sich gern zweimal im Leben. Und wenn dem so ist, dann werd ich dir dein Sein. Sei auf der Hut, denn du siehst mich nicht kommen. Durch blutrote Augen hat das Spiel nun begonnen. Sind wir dann allein, wünschst du dir nie geboren. Denn wenn ich was habe, dann dir Vergeltung geschworen. Ich komm zu Vollstrecken, seh dich gern verrecken. Mit dir wird mein Hass nun endlich auch enden. We'll be right back. Rastafari is. Yes, he is. Lords of Lords and Savior. Lords of Lords and Savior. Lords of Lords and Savior. Lords of Lords and Savior. Thank you. and Savior, Lords of Lords and Savior, Lords of Lords and Savior, Lords of Lords and Savior, Lords of Lords and Savior, Lords of Lords and Savior, Lords of Lords and Savior, Lords of Lords and Savior, Lords of Lords and Savior, Lords of Lords and Savior, Lords of Lords and interrupting all programs. This is a radio crash on pirate satellite, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Human army surplus or refusing of the lights. This is radio crash on pirate satellite. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. That you might know. song about a dirty woman. A song called She's Got the Jazz. Yeah! Woo! But she gave it to any man. Vous êtes toujours dans la 37e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon sur votre radio favorite. On vient de s'écouter Vergeltong de Wirzain Heinz et Le Malheur des Miens de La Gâchette. Et ouais, ça arrache tout ça. Rastafari Is de Peter Tosh. This is Radio Class des Clash et The Jack de AC/DC. On poursuivra cette émission avec Action de Def Leppard en live. C'est sur l'album Yeah, sorti en 2006. C'est un album de reprise, on peut entendre aussi Rock On, Waterloo Sunset et Hellraiser, notamment. On s'écoutera ensuite Vampira des Misfits, c'est sur l'énorme Walk Among Us, sorti en 1982. On retrouve 20 Eyes, Night of the Living Dead et Brain Eaters, entre autres. Je passe ensuite le nouveau Talco, Nella Strada, c'est sur l'album Silent Town, sorti en 2015. On retrouve Il Tempo, Nel Varietà et Intermondo, entre autres. Je diffuserai ensuite So Much for the City de Saka. C'est sur l'EP Reality Bites, sorti en 2016. On peut entendre aussi Reality Bites, Godspeed You et So Much for the City notamment. Et on finira ce bloc en live avec les Red Hot Chili Peppers et By the Way, c'est sur le Live White Park en 2004. C'est le premier album live des Red Hot Chili Peppers, c'est un double album. On peut entendre Can't Stop, Don't Forget Me et Purple Stain. Il est sorti uniquement en Europe. Hey yo, good evening! This is something from the Retro album. Retroactive, that is. Another piece of me to satisfy your intellectual need. Do you want an answer? I'm gonna bring you down, cause you're pushing me. You gotta recognize my superiority. That's why everybody wants a piece of the action. mi seguo ovunque vada. Devo una follia di scaldar l'umanità, l'ombra del sorriso di una strada, giunta al calar di un inevitabile appassire, balia di tempi che ti han trascinato via, a piedi nudi tra ferite e tentazioni di partire, ora ti volti a una città che è in agonia, scuola di adoratori di un finto decoro, votata ai primi per vana realizzazione. Nella palude che si veste del sapore di un addio, pesco tra gli ultimi nove generazioni. Cammino nella via lungo una precarietà sola che mi segue ovunque vada. Devota una follia di scaldar l'umanità, l'ombra del sorriso di una strada, l'ombra del sorriso di una strada. Deboli eventi destinati a giorni muti, nella stilenza da distanti umanità, qui ora ritrovi nella via che lieta accoglie i tuoi rifiuti, spolverate a degne possibilità. Cammino nella via lungo una precarietà sola che mi segue ovunque vada. Devota una follia di scaldar l'umanità, l'ombra del sorriso di una strada, l'ombra del sorriso di una strada. Nello sfilar di stenti e di facili intrighi, respiri arresi a gabbie di immobilità, cerca il ristoro nella strada che percorro tra i sorrisi di nuove rinate possibilità. Cammino nella via lungo una precarietà sola che mi segue ovunque vada. Devo da una follia di scaldar l'umanità, l'ombra del sorriso di una strada. Cammino nella via lungo una precarietà sola che mi segue ovunque vada. Devo da una follia di scaldar l'umanità, l'ombra del sorriso di una strada, dalla palude camminando sulla strada. Thank you. Vous êtes toujours dans la 37e Vampire Freaks sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors on vient de s'écouter Action en live de Def Leppard, Vampira de Misfits, Nella Strada de Talco, So Much for the City de Saka. Ça s'enchaîne bien avec By the Way, vous avez vu ça? Donc on a terminé avec By the Way en live. Et on poursuivra cette émission en live avec The East Vague par The Fantastischen Vier. C'est du double album Live und Direct de 1996. On retrouve Ganz Normal, Ich Bin, Tag am Herr, entre autres. On retrouvera après Le Peuple de l'Herbe et 20 Years Gone. C'est sur l'album PH Stage 2, sorti en 2002. On peut entendre Délice, Mr. Nice et Maison en Dur. Une autre dédicace pour les matelots de la marine de pêche. Je pense à JPP22 et à ses collègues qui affrontent la mer contre vents et marées. Aussi, je passerai Walking Dead des Dropkick Murphys. C'est sur le Wire Scott, sorti en 2005. On retrouve Your Spirits Alive, Sunshine Highway et The Burden notamment. On continuera avec Justice de The Beatdown. Vous avez été nombreux à me dire que c'est un groupe que vous appréciez. Aussi, je passerai d'autres morceaux. Donc Justice, c'est sur l'album The Beatdown, sorti en 2010. On peut entendre One Night, Tell Me Why et Hooligans, entre autres. On a commencé ce bloc en live, alors on va le finir en live avec Sound System de Steel Pulse. C'est extrait du Living Legacy, sorti en 1989. On peut entendre aussi Bodyguard, Prodigal Son et Back to My Roots. Heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich habe Tage und mich ständig selber frage, warum ich all diese Gefühle lang gegen mich kannte. Ohne nur vom Hörsagen, denn es errannte ich durch meine Welt und meine König. Alles, was mir gefällt, ist mir jetzt zu wenig. Alles, was ich kriegte, von dem ich nie genug kriegte, lass ich lieber sein, denn ich fühle mich allein. Fühl dich nicht nur allein, Mann, du bist es. Du lass es gejammer sein, so ist es nun mal auf dieser Welt. Auch wenn's dir nicht gefällt, schaust du deinen eigenen Film und bist dein eigener Held. Irgendwie hast du ja recht, yeah. Du trotzdem geht's mir schlecht. Echt beschissen, denn ich möchte mal wissen, welcher Film aus dieser Welt ein Oscar erhält. Die nehmen die weibliche Hauptrolle, bildet mir ins Bett. Hey! Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Hey! Davor war schön, allein zu sein, jetzt ist sie weg. Hey! Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Hey! Ich raff fest, ich hab, was ist daran schlimm, dass ich jetzt nicht mehr der Mann für sie bin. Da sitzt sie und packt mich zu und beginnt zu denken, dass ich keine andere bin. Die eine ist weg, na und, was sie für dich nicht im Mittel zum Zweck und Grund, sich hinter ihr zu verstecken, andere abzuschäfen, war tabu. Das ist krass, dass ich dachte, ich verpasst. Was, wenn ich die Finger von den anderen las? Was ich machte, denn ich dachte, diesen Spaß gibst du dir, wenn du die eine nicht mehr hast. Und jetzt? Was? Jetzt ist sie weg und ich versteck mich, kläff mich, hab keine Lust, aber da ist sie weg. Sie ist weg. mittlerweile weiß ich von ihm persönlich, er ist drüber hinweg. Gott sei Dank. Ich erinnere mich, wir waren beide verdammt cool. Doch in der Lehre hatte ich, denn er ich null. Denn wann immer ich dachte, ich tu alles für sie. Was immer ich machte, für mich irgendwie. Mit dieser Philosophie fuhr ich einwandfrei. Sorgfrei, an ich vorbei. Ich schätze, bin ein bisschen ungeflogen. Ungelogen. Und als sie da war, mit mir selbst betrogen. Kluge Worte, was? Hinterher weiß man immer mehr. Doch so sehe ich mich auch dagegen wehr. Bleibt der Schwer, aber wahr, ich will lernen, sie ist nicht da. Klar. Ich sehe es weg und hat mich mitgenommen. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Der Bub war schöner allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. So I started to rhyme. You wouldn't believe me, then you try to deceive. The progress no less, yes, it's best you come and you read the CV for certain. You're screaming and started hurting, you're here with fear now. The final curtain coming to drop down the top sound. You're not around no more, you're coming by the microphone. And I'ma kill you on a dance floor. Five continents of cuts, two decades of D's. Didn't wanna get it, don't sweat it, my heart bleeds. I leave losers to the legend, I'ma laugh as I leap. I learn I'm a new fucking level, look downward deep. Hard drives on my nights against the morning. I ventilate, avenging out all the vibes that I've been spawning. My monitor starts to murmur as I molest the microphone. I'm alone in my zone, I'm a low to the high tone. We're gonna rock, rock, rock. 20 years gone and carrying on. We're gonna rock, rock, rock. 20 years gone and carrying on. We're gonna rock, rock, rock. 20 years gone and carrying on. We're gonna rock, rock, rock. I've seen DJs tremble with tricks. I assemble the mix, the manner of the man beside. I'm required to eclipse your clueless clones. Come on, the clowns collapse. The stage starts to groan under the weight of my raps and traps. Shattered rap, scatter, splatter, mind over matter. To batter your fuckers with pyrotechnical patter. Shatter another fanatical gathering of chattering mannequins. I begin a rhythm to rip and ritual ravaging. Imagining the passion of rapping. I'm back in every fucking ration of rap as I entrap. The highly flammable, slightly satanical animal in Mamie. Who's me? JC. And the herb to the herb, living it life online. London to Leon, lyrical design. Redefine the rhyme, the time for the grail. Beats are fucking bad and the bitch don't fail. We're gonna rock, rock, rock. 20 years gone and carrying on. We're gonna rock, rock, rock. 20 years gone and carrying on. We're gonna rock, rock, rock. 20 years gone and carrying on. We're gonna rock, rock, rock. On. 20 years ago, I got the flow. 20 years back, I like it like that. And 20 years past, I got the class. 20 years gone and carrying on. 20 years gone and carrying on. 20 years gone and carrying on. 20 years gone and carrying on. 20 years gone and carrying on. Don't bother nobody. 20 years ago, black man. 20 years ago, good evening everybody. 20 years ago, with a hip hop, a hit you don't stop. 20 years ago, don't push. Yeah, that's right, that's a fucker like me. JC Dollar on starting out from London City, to Lyon. Giving it a start, giving it strong, cause that's the way for the purpose of headed hard, Jack. The greats come alive, the water's on fire. I've been to this place before. Yeah, we dance through the night as the flames burn bright and the pages passed out on the floor. What's so new about what you're saying? It's a new generation with the same sad song. What's so new about what you're saying? Just another generation with the same sad song. The Walking Dead couldn't tell us any better. It's a tale you gotta live to know. Yeah, the story you're selling is from the book I wrote. I've forgotten more than you'll ever know. Cause at the end of the day, when the hope fades away, I was an offer you can never afford. You're on one last stand with the boys in the band before the demons strike the final chord. What's so new about what you're saying? Generation with the same sad song. What's so new about what you're saying? Just another generation with the same sad song. Yeah, yeah. Vous êtes toujours dans cette 36e Vamp Afrique sur votre radio favorite et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter The East Vague de Die Fantastischen Vier, 20 Years Gone des Peuples de l'Herbe, Walking Dead des Dropkick Murphys, Justice de The Big Down et Sound System de Steel Pulse. On commencera ce bloc en live avec Renaud et Dès que le vent soufflera, c'est sur le double album Visage pâle rencontré public sorti en 1989. On retrouve aussi Miss Maggie, Socialiste et Morgane de Toi. On s'écoutera ensuite What Do You Know About Love de Lita Ford. C'est sur l'album Dangerous Curves de 1991. On peut entendre aussi Larger Than a Life, Black Widow et Playing With Fire. Je voulais remercier aussi Sandy Trash qui m'a fait parvenir l'excellent Outrageuse Brune sorti en 2010. Je diffuserai Stripped en duo avec Kent. Sur cet album, on peut entendre aussi Tes Cuisses, Sandy Trash et une super reprise de Fier de ne rien faire des Vampas. Je passerai ensuite Le Hic, c'est le fric de GRM. C'est aussi le titre de cette EP de 2014. On retrouve aussi C'est la crise, Le Hic, c'est le fric et Sweet Drug. Et on finira ce bloc en live avec Soldat Louis et Savannah. C'est sur le sublime en vrai de vrai sorti en 2002. On peut entendre C'est un pays, Cheyenne et Femme de légende. Vous connaissez? Vous voulez chanter avec moi? C'est pas l'homme qui prend la mer. Alors bravo, vous me dites que vous connaissez, vous oubliez le tatatin. Ah si, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, tatatin. Moi la mer. Allez, on recommence. Faisez gaffe. C'est pas l'homme qui prend la mer. Prends la mer, elle m'a pris. Ça c'est les choristes. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir imposant contre une paire de Versailles et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disent mais sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons pèsent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. C'est pas l'homme qui prend la mer. Moi la mer elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur. Sur la mer en furie, j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est la plaisance, c'est le pied. Et que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allons. Qui prend la mer, mais elle prend pas la femme. La mienne m'attend fort au bout de la chaussée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une vitre dans la rage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. Qui prend la mer, comme on prend un taxi, je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien lâcher la grappe. J'irai aux 4 vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. Qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Mais Tabarly, Cajot, Kersauzon et Riguel n'allient pas sur les cajots ni sur les poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Un vendredi, ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je suis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Mais que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en avons. Et que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en avons. Le requin, allons, le requin. Et que les vents tourneront, nous nous en avons. Et que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, je me n'en avons de la fin. t'aimer, mon amour. Un code cobra. En overdose de jour en jour. Un de rigueur. Pourtant, je t'aimais, mon amour. Un code cobra. Ah oui, je t'aimais. Un code cobra. Peter Enger. Quand on met un. Il a plus la tracite. Une danse passive. En nous intégrale. Quand on met un. Il a plus la tracite. Une danse passive. Un code cobra, un Derringer. Patron, triangle de soie. Un code cobra, un Derringer. Pigalle, nightclub, talon aiguille. Un code cobra, un Derringer. Cuisse écartée, son hypnotique. Un code cobra, un Derringer. Tu baignes au fond de la piscine. Pourtant, je t'aimais, mon amour. Un code cobra. En overdose de jour. Un Derringer. Pourtant, je t'aimais, mon amour. Un code cobra. Ah oui, je t'aimais. Un col cobra. Un Derringer. Quand on est un. Y'a plus la tracite. Une danse massive. En nous intégrale. Et quand on est un. Y'a plus la tracite. Une danse massive. En nous intégrale. tous un moi, et tous des émois. On a tous des droits, mais pas tous un toit. We'll be right back. êtes toujours dans la 37e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors, on vient de s'écouter « Dès que le vent soufflera » de Renaud en live, « What do you know about love » de Lita Ford, « Strip » de Sandy Trash avec Kent, « Le X et le Freak » de GRM et « Savannah » en live de Soldat Louis. Justement, je tenais à remercier Bernard, directeur de radio à Saint-Malo, d'avoir donné sa chance à cette émission. Alors je diffuserai Reggae Fi Bernard de Linton Kwesi Johnson en live à Paris en 2003. On peut entendre aussi The Eagle and The Beer, Making History et Feed Them Back notamment. Je passerai ensuite Uncivilized de Frustration, c'est aussi le titre de l'album 2013. On peut entendre Worries, Believe Me or Not, I Can't Forget You, entre autres. On s'écoutera ensuite Trust in You des Offspring, c'est tiré de Rise and Fall, Rage and Grace, sorti en 2008. On retrouve You're Gonna Go Far Kid, Nothing Town et Rise and Fall. Je passerai ensuite Sit Time for the Crime de Prime Sinister, c'est sur le superbe The Blackest Movie, sorti en 2015. On peut entendre aussi The Blackest Movie de Andy Zone et I Can Change. Et on finira ce bloc en live avec Queen et I Want to Break Free, c'est du live à Wembley en 1986. On peut entendre aussi Another One Bites the Dust, A Kind of Magic et Now I'm Here notamment. Coming from the same bloodline, but we part crisscross and join. And although with one another, we wasn't that familiar all the same. It was family, that's why me I beg pardon and take this liberty and put down a couple rhyme to your memory. It come in like just the other day, you left school and joined the railway. With enough ambition and a future plan, you wasn't drawing big pay, but you was well on your way. And just when you're ready to start, figure choo choo choo boogie, train cut your journey short. The day you get your last send off from your band ground, before them fly your body down to jump down. The sun stay away from work that day, and this late great January day, I sing a silent dirge as dark clouds dart in a different direction, collide and converge, merge and re-emerge in a bluster of emotion in the church clear sky. And the rain it a fall in a squall, like tear tip arrows piercing the heart of the bone of them. The Baptist church it full up to the brim, overflow up on the step to the street. Long time no see family and friend, meet and greet, talking about your hasty retreat. Inside mournful voices I sing, them familiar, bittersweet hymn. And it is well with your soul. Rude boys broke down in tears, many skirted girls weep and wail. There's a posse of black and white workers from British Rail. You colleague them from your short working years. And there was testimony after testimony from your age mate them, punctuated by spontaneous applause about how you did tall and slim and good looking, with your long chin and your captivating grin, about your kindness, about your caring, about your thoughtfulness, about how big and how broad in love you was. Up to now, we still not get no proper explanation. No witness at the station, no police investigation as to how you come fi head up on the wrong side of the track. How your face get fi turned from front to back, and how you did a talk to man your mobile. them just call it accident and close your file. Jump down was your true dream island. Not decided a plan to make your final destination. Now your dream come true and your touchdown. Ashes to ashes, dust to dust, innocent Elizabeth side. Madame and messieurs, merci, merci beaucoup. Take good care of yourselves until we meet again. Bonsoir. Don't wanna apologize. Cette 37e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour finir, je passerai On est encore là de NTM. C'est sur l'album Supreme NTM, sorti le 20 avril 1998. C'est le 4e album studio de NTM. On peut entendre aussi Back, back dans les bacs, ma Benz, pose ton gun et laisse pas traîner ton fils. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Vous aussi, les groupes, laissez-moi vos instrumentales ou vos musiques sur le Vampire Freaks, l'émission radio Facebook. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu! Retour en force de l'ordre moral, je veux surtout pas te casser ton moral, mais c'est le bordel quand on pas dans leur panel. Je suis formel, ils restent formés pour ça, nique le César. C'est pour ça que j'ai gardé ma tenue de combat, que je lâcherai pas mon combat. Fais gaffe à ton dos, protège tes abdos. Si tu partages de leur vie, ils te font pas de cadeau. On nous censure parce que notre culture est trop basanée, qu'on présente pas assez la France du passé. C'est carré, on veut nous stopper ça, allez. Tant qu'on rappait dans les MJC, mais aujourd'hui le phénomène a grandi. Je remercie, je remercie. Ça merci, on passe pas dans leur radio, on fera le tour. C'est pas grave, le plus dur c'était de sortir de la cave, et les gens le savent. Hey, on est encore là, prêt à foutre le souk, et tout le monde est corda. On est encore là, prêt à foutre le souk, et tout le monde est corda. Mais que c'est ça. Comme des vendus, des bandits à la lontre pendue. C'est les honneurs qu'on nous réserve pour la suite. Parce que quand je quitte la vérité, putain, ça se complique. C'est pour ça que je lis dans leurs yeux la terreur. Ce qui fait peur, c'est que mon cœur est aussi dur que le pays qui m'a vu n'est par erreur. Et ici, ce pays où l'esprit critique est en crise, écrasé par la cise des hypocrites qu'on a même mis. Misant sur l'info, plus la falsifiant façon, faut que ça cesse. On pousse les masses à la confrontation, putain, c'est pas bon. Enlevez-nous ce bail, y'a trop de trucs qui tournent pas rond. Et donc, face à tout ça, faut pas lâcher, faut faire front. Faut plus m'interdire. De toute façon, c'est tout ce que je sais faire.